Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'organisation Avocats sans frontières décide de fermer ses portes au Burundi. Il lui est impossible de satisfaire à certaines exigences des autorités selon un communiqué sorti à cet effet. On fait le point dans cette édition. Une pénurie de carburant continue de s'observer à Bujumbura. Les demandeurs des produits pétroliers demandent que le problème soit réglé. En éducation, la coalition Wafashebige se dit satisfaite de la récente mesure du gouvernement de revoir le système d'enseignement des langues dans les écoles fondamentales, vous l'entendrez. Et au sport, la formation de Vitalo, déjà disqualifiée pour la Coupe de la Confédération africaine, a perdu son second match face à Atlético Olympique samedi. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation pour débuter ce journal. La coalition des associations œuvrant dans le secteur de l'enseignement, Bafashebig, se dit satisfaite de la mesure du gouvernement de revoir le système d'enseignement des langues à l'école fondamentale. Selon le président de la dite coalition, cette décision est salutaire, d'autant plus qu'il s'est avéré que l'apprentissage des quatre langues dès la première année de l'école fondamentale constituait un défi énorme et aux apprenants et aux enseignants. Jean-Samuel Mandali, président de la coalition Bafashebige, dit que son organisation soutient la décision du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Charles Makoto. Lors du dernier conseil des ministres, il y avait un projet de décret pour sa fixation des langues d'enseignement et langues enseignées à l'école fondamentale où il y a eu des réformes qu'on va envisager. Au niveau de la coalition Bafashebige, nous avons appris cela avec satisfaction, d'autant plus qu'on constatait réellement qu'il y a un problème d'apprentissage des quatre langues à partir de la première année primaire. Donc c'est pour nous une grande satisfaction et c'est à encourager aussi. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que les réformes entreprises produisent des effets? C'est ce genre d'évaluation, comme la réforme du système éducatif burundais avec l'école fondamentale et nouvelle. Et à un certain moment, on doit évaluer et c'est ce qu'on a toujours demandé, qu'il y ait toujours évaluation pour voir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Alors, pour cette catégorie d'enseignement des langues, probablement qu'il y ait évaluation comme nous. Nous constatons quand même qu'il y a des lacunes au niveau de l'enseignement de ces langues. Alors, le gouvernement, à travers le ministère et à l'éducation dans ses attributions, a proposé qu'il y ait une modifications des systèmes d'enseigner des langues là à l'école fondamentale. Je pense que c'est déjà un peu positif et nous pouvons encourager. Donc c'est à partir de l'évaluation qu'on voit qu'un système, que la réforme donne des effets positifs ou des effets négatifs. Éducation, c'est aussi à l'école Kanura de Gihanga en province de Bubanza qui héberge des enfants handicapés. Spescaritas Kawanyana nous en dit plus aujourd'hui. Le lycée Kanura, situé en commune Gihanga, dans cette province de Bubanza, compte 153 élèves et 63 d'entre eux sont aveugles selon les responsables de cette école qui est confrontée à plusieurs difficultés liées notamment au manque de matériel, des papiers et des livres écrits en braille, des machines ordinateurs, des enseignants spécialisés et autres. Ernest Niragira, directeur de cette école, précise qu'il est le seul spécialiste en braille parmi plus de 10 enseignants qui le sait alors d'apprendre afin qu'il puisse aider ses enfants aveugles. Aussi, une somme de 15 000 francs par élève et par trimestre est jugée insuffisante pour pouvoir nourrir ses enfants à l'internat. C'est au moment où le PAM, qui donnait son assistance alimentaire depuis des années, a interrompu cette aide il y a à peu près une année, comme le dit le directeur du lycée Kanura, qui demande aux bienfaiteurs de venir en aide à cet établissement. C'est à cette école même, le lycée Kanura, où se sont déroulés ce lundi, de cérémonie marquant la journée internationale des personnes handicapées. Merci à Spescaritas Kawanyana. L'hôtel Royal Palace est qualifié. Il remplit à 100% les 20 critères. C'est notamment la présentation d'une licence d'exploitation, la désignation des chambres, le système de drainage. Leonidas Serwunimana, directeur général de l'Office national du tourisme, a fait savoir ce lundi lors du lancement de ce classement des établissements touristiques et d'hébergement qu'il n'y aura plus de concurrence déloyale. Suivez-le. Nous étions le seul pays dans la communauté est-africaine qui n'avait pas encore procédé à cette classification. Tous les autres pays ont déjà classé leurs établissements touristiques d'hébergement. Donc, c'est un événement national, mais également régional, dans la mesure où maintenant, quand on sera dans des forats de l'East African Community, nous dirons que le Burundi a déjà procédé à la classification. À ma qualité de directeur général de l'Office national du tourisme, je suis heureux de voir qu'un hôtel burundais, construit par un Burundais, est qualifié pour faire objet de classification. C'est un exercice qui représente pas mal d'intérêt pour les clients, puisqu'ils sont assurés, ils sont garantis de la qualité du service qu'ils vont avoir dans l'établissement. Pour les hôtels, puisque les hôtels se démarquent de la concurrence royale, entrent en compétition sur le même pied d'égalité avec les établissements de la région et les établissements internationaux. Mais pour le gouvernement, puisque la destination Burundi est renforcée dans la mesure où le standard international est maintenant confirmé par la classification. Les hôtels qui ne seront pas qualifiés pour faire objet de classification ne vont pas être fermés. Non. Les hôtels qui ne vont pas être qualifiés vont connaître exactement ce qui leur manque pour être qualifié et s'organiser en conséquence et inviter les assesseurs à revenir peut-être après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois pour voir s'ils remplissent les critères et faire l'objet de classification. De deux, la classification d'un hôtel, supposez qu'un étoile a 5 étoiles et qu'un autre a 4 étoiles. Ce n'est pas une garantie dans la mesure où tout hôtel qui ne respecte pas les normes qui lui ont permis d'avoir les étoiles qui seront affichées va perdre les étoiles. De son côté, Victor Girkwishaka, patron de cet hôtel, se réjouit de cette qualification dans l'attente de la classification de son hôtel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, l'organisation Avocats sans frontières va bientôt fermer ses portes au Burundi. Dans un communiqué sorti ce lundi, cette organisation dit qu'il lui est impossible de satisfaire à certaines exigences des autorités du pays concernant le dossier que doit remplir toute ONG étrangère pour continuer ses activités dans le pays. L'ASF a appuyé les projets allant dans le sens de l'accès à la justice pour tous. Les détails de ce communiqué avec Aubin Niyonkuru. Dans ce communiqué sorti ce lundi, ASF indique qu'il ferme ses portes au Burundi à partir du 31 décembre courant. Cette organisation rappelle qu'elle a vu ses activités suspendues par le Conseil national de sécurité depuis le 1er octobre dernier. Le ministère de l'Intérieur a quant à lui conditionné la levée de cette suspension au dépôt et à la validation avant le 31 décembre de cette année d'un dossier comprenant 4 documents. Avocats sans frontières estime que répondre favorablement à certaines demandes des autorités serait contraire aux fondements même de cette organisation et à ses valeurs. Dans son communiqué, ASF termine en remerciant toutes les personnes, associations et institutions ayant soutenu son action au Burundi depuis 1999. Le ministère de l'Intérieur, à travers son porte-parole, dit que 60 organisations se sont déjà faites inscrire. Tarsis Niyongabo indique qu'ils seront les organisations qui ne vont plus œuvrer au Burundi après la date butoir qui leur a été accordée pour se faire inscrire. Merci Robin. Il s'observe une pénurie de carburant dans différents coins de la capitale Bujumbura. Sur une dizaine de stations-service que nos reporters ont visitées ce lundi, 3 seulement étaient en train de servir le carburant, mais sans le mazout. Certains demandeurs de produits pétroliers que nous avons trouvés sur la queue demandent aux organes concernés de régler ce problème. Elini Bel Nibigira. La DAC est ingo. En zone urbaine d'Obgiza par exemple, sur les stations Delta et celle de Kingstar que nous avons visitées, aucune station n'était pas en train de servir. Sur la route nationale numéro 3 allant vers Lumongue, jusqu'en zone urbaine de Kanyosha où se trouve une dizaine de stations, seule Kinindo City Oil était en train de distribuer du carburant de type essence mais sans le mazout. Les employés de cette station affirment qu'ils l'ont reçu avant-hier, après des jours de manque. Sur la station Interpétrole, communément appelée chez Katikati, il n'y avait pas de carburant, mais la station Interpétrole se trouvant en face de l'immeuble qui abritait la radio publique africaine était en train de servir avec des files d'attente, dont des bidons, même si la station voisine d'État n'avait pas de carburant. Une personne est rencontrée sur la file d'attente à la station, se trouvant en face de la Braoudi, dit avoir souffert pour trouver le carburant. La pénurie du carburant je vois que pour le moment, il est trop difficile. Disons que je circule partout ici en ville. Donc, je viens de Bouizan. C'est la station King. Je n'y ai trouvé ni rien. Je suis allé vers le rond-point. Je n'ai rien trouvé. Je suis descendu vers chez Xioni. Là, ainsi, il n'y a rien. Alors, donc, c'est par ici que je trouve où il y a les camions qui attendent le carburant. Moi aussi, je vais attendre parmi les autres, mais je ne saurais pas dire que j'en aurai ou j'en aurai pas. Un chauffeur rencontré affirme quant à lui que parfois ils sont rançonnés par des employés des stations-service pour leur donner du carburant. Les demandeurs de produits pétroliers trouvés sur les files d'attente demandent au gouvernement de tout faire afin de régler cette situation. Il y a juste 2 semaines, le 3 décembre, le chargé de la communication au ministère de l'Énergie et des Mines, qui a la gestion du carburant dans ses attributions, avait déclaré que cette situation est due aux problèmes logistiques, mais sans aucune autre précision. Lundi de la semaine dernière, la rédaction Isanganiro a cherché le directeur carburant au même ministère pour avoir probablement une nouvelle version. Daniel Mitawakana nous a renvoyé au porte-parole Leonidas Sindaigaya que nous n'avons pas encore trouvé jusqu'ici. En attendant, le porte-parole du gouvernement Prosper Nalwami a déclaré jeudi de la semaine dernière, au lendemain du Conseil des ministres, que le carburant est disponible. Ce sont des spéculations dans les stations-service, a-t-il dit. Au sport, la formation de Vitalo FC, qui est déjà disqualifiée pour la Coupe de la Confédération africaine, a perdu son second match retour face à l'équipe d'Atlético Olympique. Malgré l'égalisation d'un but partout avec Flambeau du centre, l'équipe Aigle Noir de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 45 points. La formation messager Bujumbura est dernier du classement malgré sa victoire d'un but à zéro face à Abuja City à la 18e journée du championnat. Les détails, c'est avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le championnat national de football en première division était à sa 18e journée ce week-end. Plusieurs matchs ont été joués dans les différents télés de football. Samedi à 13h30, au stade Prince Louis Gwagasore, la formation Vitalo FC, déjà disqualifiée dans la Coupe de la Confédération, a été battue par Atlético Olympique 1-0. Au même stade, à 16h, Flambeau de l'Est s'est incliné 2-0 face à Lydia Ludic et Burundi Sport for Africa. Au stade Urukundo Dongozi, Kayanza United a battu l'équipe policière de Rukinzo 1-0. À 16h, le match qui a opposé Ngozi City et Olympique Stars de Muyinga s'est soldé sur le score vierge 2-0 partout. Ce dimanche, le championnat a continué. Au stade Prince Louis Gwagasore, à 13h30, Messager Bujumbura a battu 1-0 la formation de Abuja City. À 16h, au même stade, Musongati FC s'est incliné 2-1 face à la formation Bumamur Football Club. Au stade Ingoma de Gitega, Aigle Noir des Fighters de Makamba a égalisé 1-0 avec Flambeau du centre. Au stade Urukundo de Ngozi, devant ses supporters, Messager Ngozi a battu 3-0 les Lières. À la 18e journée du championnat, l'Aigle Noir des Fighters de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 45 points. Musongati FC occupe la 2e position avec 38 points. La 3e place revient à la formation Abuja City avec 27 points. La 4e place est occupée par Ngozi City avec 26 points. Vitalo FC est 5e avec 25 points. Le messager Bujumbura est dernier avec 14 points. Deux brèves internationales avant de clore cette édition. À une semaine des élections en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, appelle ses partisans à ne pas boycotter les élections. Son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a été chargé de fixer l'opinion sur la position de la coalition en ce qui concerne la suite du processus électoral. Il dit dans une déclaration que ces élections sont le fruit d'énormes sacrifices, y compris en vies humaines, consentis par le peuple congolais qui aspire à l'alternance politique. Ces élections doivent donc être apaisées, crédibles, transparentes et démocratiques, raison pour laquelle la coalition est opposée au vote électronique avec l'usage de la machine à voter, rappelle la déclaration. À Madagascar, c'est la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de mercredi 19 décembre. Il s'agit du second tour où s'opposeront Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux des ex-présidents. Les deux finalistes se sont opposés hier dimanche pour la dernière fois lors d'un débat télévisé retransmis en direct à la télévision. Un débat pour convaincre les derniers indécis selon nos confrères d'ORFI. Lutte contre le chômage, la pauvreté, la scolarisation des enfants, économie, la corruption, etc. Pendant plus de deux heures, les deux candidats se sont affrontés projet contre projet. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitalihou.